grâce, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, à nous la force, la joie du Seigneur, à nous la puissance, par son bras puissant, faisons monter, monter, parfum de louange. N'aie pas peur, mon frère, des pouvoirs sataniques. La Bible dit que l'esprit qui est en toi, il est plus puissant que celui qui est dans le monde. Est-ce que tu sais que dans le nom de Jésus-Christ, toutes ces puissances, ils tombent à genoux? Parce que la Bible dit, tout genou fléchit devant lui, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. N'aie pas peur de ces gens qui te menacent. Ils ne peuvent rien te faire. La Bible dit, ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Parce que ton Dieu est au-dessus des fétiches. Il est au-dessus de la sorcellerie. Réveille-toi, commence à invoquer le nom de Jésus-Christ pour anéantir leurs œuvres. Réveille ton voisin, réveille ta femme, réveille ton mari. Nous sommes à OSB, opération sur la brèche. Jean chapitre 16, 7 à 15, c'est le passage du jour. Chaque matin je me lève, je prie avec OSB. Chaque matin moi je prie, je prie avec OSB. Nous allons lire Jean chapitre 16, du verset 7 au verset 15. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantageux que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le Consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai, et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En ce qui concerne le péché, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père, et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu, et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père est à moi, c'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Amen. Nous poursuivons notre enseignement sur le rôle et la place du Saint-Esprit dans nos vies. Nous allons voir deux grandes vérités ici. D'abord, la venue du Saint-Esprit devrait être précédée par la mort, la résurrection et l'ascension de Jésus. C'est ce que Jésus veut souligner ici. Quand il dit aux disciples, il vous est avantageux que je m'en aille. Là, il vivait avec eux. Mais il était en train de montrer que il fallait d'abord qu'il meure. Et après sa mort, il y a la résurrection. Après la résurrection, il y a l'ascension, c'est-à-dire la montée de Jésus au ciel. Ce n'est qu'après ces événements, selon le plan divin, que maintenant il allait envoyer le Saint-Esprit. Vous voyez? C'était l'avantage. Il y a des choses parfois que Dieu fait que nous ne comprenons pas. Mais il va te dire, c'est pour ton avantage. Les disciples étaient tristes. Quand Jésus leur avait dit qu'il va les laisser, il va mourir, ils étaient tristes. Ils se disaient, mais qu'est-ce que serons-nous parce que le maître va partir. Mais Jésus leur montre que c'est pour leur avantage. Réfléchissez un peu. Si même aujourd'hui, Jésus continuait seulement son ministère terrestre, il serait quelque part en Israël. Pour le voir, il fallait des audiences. Il y a des gens qui allaient mourir sans jamais avoir vu Jésus. Mais lorsque Jésus meurt, il ressuscite, il monte au ciel et qu'il répand le Saint-Esprit permet maintenant l'accès auprès du trône de Dieu. Nous n'avons plus besoin d'aller en Israël pour rencontrer Jésus, mais par le Saint-Esprit, nous le rencontrons directement. Nous pouvons communiquer avec Dieu sans intermédiaire. Vous voyez quelle grâce. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Parce que si je m'en vais, le Consolateur qui est le Saint-Esprit viendra. Et quand le Saint-Esprit vient, il nous permet d'adorer le Seigneur en esprit, en vérité. Il nous permet de communiquer avec Dieu où que nous soyons. Parce que les barrières sont déjà brisées. Parce que quand Jésus est mort, la Bible déclare que le voile qui séparait le lieu saint du lieu très saint a été déchiré. Donc on n'a plus besoin d'intermédiaire. On n'a plus besoin de passer par un sacrificateur, par un pasteur pour parler à Dieu. Parce que le Saint-Esprit est là. Deuxième grande vérité concerne la mission du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus revient. Il est important pour comprendre l'œuvre du Saint-Esprit de connaître ce que Jésus a enseigné. Il y a encore ici cinq éléments qui décrivent la mission du Saint-Esprit. Premier élément, c'est la conviction. Jésus dit, quand il viendra, le Consolateur, il convaincra le monde du péché. Vous savez, l'œuvre de conviction, c'est une œuvre que le Saint-Esprit opère surtout dans la vie de non-chrétiens. Vous voyez, quand quelqu'un ne connaît pas encore Jésus, le Saint-Esprit agit, non pas en lui, mais à partir du dehors. C'est-à-dire, il n'a pas encore le Saint-Esprit. Alors, c'est pourquoi il dit, il convaincra le monde. Le monde, c'est l'ensemble de tous ceux qui ne connaissent pas Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est pourquoi il est dit dans Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Vous voyez? Alors, quelle est la mission du Saint-Esprit? Il convaincra le monde de quoi? Il y a une triple conviction. Il convaincra le monde du péché. C'est le Saint-Esprit qui a pour rôle de convaincre quelqu'un qui vit dans la débauche, qui vit dans la sorcellerie, qui vit dans l'occultisme, qui cherche le plaisir, la réussite par les voies tortueuses, qui vit dans le mensonge. C'est le Saint-Esprit qui a pour mission de le convaincre, pour lui dire que tu es pécheur. C'est le Saint-Esprit qui a pour mission de convaincre les gens qui pensent que par leur moralité, ils peuvent voir Dieu. Parce qu'il y a des gens qui disent « toutes les religions mènent à Dieu ». Non! C'est le Saint-Esprit qui convainc l'homme que sans Jésus-Christ, tu es pécheur. C'est pourquoi nous devons savoir que nous, en tant que prédicateurs, nous n'allons pas convaincre les hommes par nos propres forces. Lorsque tu es prédicateur, tu es pasteur, tu es prophète, sache que tu dois te laisser conduire par le Saint-Esprit. Ce n'est pas la manière de formuler tes phrases qui vont pousser les gens à se convertir. Non, ce n'est pas l'éloquence. Mais c'est la puissance du Saint-Esprit. C'est quand tu parles dans la puissance du Saint-Esprit que ce dernier va convaincre le cœur pour que quelqu'un soit touché. Deuxième rôle de conviction, c'est toujours l'œuvre du Saint-Esprit. Il convaincra le monde de la justice. Vous savez, la notion de justice, c'est cette notion qui montre que l'homme ne peut être justifié que par le sang de Jésus-Christ. La notion de justice humaine, elle est différente de la notion de la justice divine. Pour Dieu, celui qui est juste, c'est celui qui est purifié par le sang de Jésus-Christ. Aucun homme, par ses œuvres, par sa moralité, ne peut s'approcher de Dieu sans être lavé par le sang de Jésus. Parce que c'est en Jésus que nous avons la justification par la foi en Jésus. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui convainc, qui montre l'homme que, quelle que soit ta bonne moralité, quelles que soient tes œuvres, même si tu donnes l'argent pour construire des cathédrales, pour construire des églises, mais sans Jésus, tu n'es pas juste, tu es pécheur. Pour être juste devant Dieu, il faut être purifié par le sang de Jésus. Il faut recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur par la foi. Et troisième niveau de conviction, il convainc le monde du jugement. C'est-à-dire, si la première conviction ne marche pas, il convainc l'homme, tu es pécheur. L'homme résiste toujours, est incrédule. Il lui convainc, la justice, ça ne marche pas. Maintenant, il passe à la conviction du jugement pour lui montrer que, comme tu ne veux pas accepter Jésus, voici maintenant, ta destination, c'est l'enfer. Tu seras condamné comme le diable lui-même et ses anges sont condamnés. Deuxième mission du Saint-Esprit, c'est de nous conduire dans la vérité. Vous voyez, il revient encore, il dit l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. La vérité, c'est une personne, c'est Jésus. En dehors de Jésus, c'est les mensonges. Mais nous conduire dans la vérité, c'est aussi nous conduire selon la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu, c'est la vérité. Jésus pouvait dire, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. C'est le Saint-Esprit qui nous donne l'intelligence de comprendre les Écritures. Tu peux avoir une maîtrise, tu peux avoir un doctorat, lorsque tu vas lire la Bible, avec l'intelligence humaine. Si le Saint-Esprit ne t'aide pas, tu ne vas rien comprendre. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Il nous aide à comprendre les Saintes Écritures. C'est pourquoi il y a l'aspect révélation pour saisir la pensée de Dieu dans la Bible. Troisième mission du Saint-Esprit, il dira tout ce qu'il aura entendu de Christ. Vous voyez? C'est-à-dire, il est l'intermédiaire. C'est-à-dire, il prend ce que Jésus dit pour nous les communiquer. Il n'y a pas une compétition entre Jésus-Christ et le Saint-Esprit. C'est pourquoi si quelqu'un dit qu'il a une révélation et que cela contredise la parole de Christ, eh bien, ce n'est pas le Saint-Esprit. Donc, le Saint-Esprit, il prend ce qui est à Christ et il nous le révèle. Quatre missions du Saint-Esprit, il nous annonce les choses à venir. Vous voyez, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu peut nous révéler même ce qui va se passer dans la nation, dans notre contrée, dans notre église, vous voyez. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle les dons de révélation. C'est le Saint-Esprit. Il y a par exemple des dons qu'on appelle la parole de connaissance, il y a la parole de sagesse, il y a la prophétie. Le Saint-Esprit peut nous montrer des choses à venir. Mais attention, il ne faut pas confondre avec la divination. Et enfin, le Saint-Esprit est là pour glorifier Jésus. Le Saint-Esprit ne se glorifie pas lui-même. C'est pourquoi on n'a pas besoin de donner par exemple à une église le nom de l'église du Saint-Esprit. Vous voyez? Non, l'église c'est l'église de Jésus-Christ. Là où Jésus est glorifié, le Saint-Esprit est à l'œuvre. Parce que la mission du Saint-Esprit est de glorifier Jésus-Christ. C'est pour dire que même lorsque Dieu nous utilise, nous ne devons pas chercher à nous glorifier nous-mêmes. Le don du Saint-Esprit, si je parle en langue, si j'opère des miracles au nom de Jésus, si je prophétise, si les paralytiques marchent, que ça ne soit pas pour ma gloire, parce que le Saint-Esprit n'est pas venu pour se glorifier lui-même, mais il est venu pour glorifier Jésus-Christ. Donc il faut que nous apprenions à donner gloire à Jésus dans tout ce que nous faisons. La Bible dit, quoi que vous mangez, quoi que vous buviez, quoi que vous fassiez, quelque autre chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Oh, que le nom du Seigneur soit béni. Nous allons le louer, nous allons le glorifier en chantant ces cantiques. Comme une terre altérée, soupir après l'eau du ciel, nous appelons la rosée de ta grâce, Emmanuel, fraîche rosée, fraîche rosée, descends dessus. Abondante, coule à flot dans notre cœur, donne à la mer languissante une nouvelle fraîcheur, fraîche rosée, fraîche rosée, descend dessus. Ne laissons-nous rien d'arriver. vivre, qui ne soit fertilisé. Et le cœur le plus avide soit pleinement arrosé, fraîche rosée, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divines ondées, bénis. Que les déserts fleurissent sous tes bienfaisantes eaux. Que le lieu sacré verdisse et porte d'eau fruits nouveaux. Fraîche rosée, descend dessus. Grâce et de paix, réponds-nous une vie qui ne tarisse jamais. Fraîche rosée, fraîche rosée, descende sur nous tous, ô divine. Gloire à Dieu. Élevons ensemble nos voix et bénissons le Seigneur pour l'œuvre du Saint-Esprit. Amen. Nous rappelons que notre passage du jour, c'est Jean 16, 7 à 15. Nous venons de voir plusieurs vérités concernant le Saint-Esprit. Nous sommes dans l'émission des prières OSB. Nous venons de voir l'importance de la venue du Saint-Esprit. Il fallait d'abord que Jésus meure, qu'il ressuscite et qu'il monte au ciel pour que le Saint-Esprit vienne. Il vous est avantageux que je m'en aille. Nous allons dire merci au Seigneur pour sa mort, sa résurrection, pour son ascension qui était nécessaire pour que le Saint-Esprit vienne vers nous. Et nous allons profiter pour dire merci au Seigneur, même pour des événements qui nous arrivent, que nous ne comprenons pas, mais pour lesquels Jésus peut nous dire, c'est pour votre avantage que le Seigneur permet ces choses. Prions le Seigneur. Très excellent Père, toi qui règnes sur ton trône, Le ciel est ton trône et la terre est ton marchepied. Ce matin, nous te disons merci une fois de plus parce que c'est toi qui crée en nous la vie, le mouvement et l'être. Nous disons aussi ce matin au Père éternel, merci pour le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est venu pour nous soutenir. Le Saint-Esprit qui est venu pour nous enseigner toutes choses. Nous te disons merci au Père éternel. Parce que même si nous ne comprenons pas beaucoup de choses au sujet du Saint-Esprit, nous savons qu'il est venu pour notre bien. Ton Fils Jésus-Christ l'a bien spécifié qu'il est avantageux qu'il aille vers toi afin que son Esprit Saint vienne. Merci Père pour tous les avantages du Saint-Esprit. Merci Père pour la grâce qui est maintenue en nous chaque jour. Merci Père pour le Saint-Esprit qui nous enseigne toutes choses. Merci Père pour cette grande promesse qui renouvelle chaque jour notre espérance et crée en nous une espérance vivante. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié et que l'œuvre de ton Esprit Saint continue de travailler dans nos vies. Continue de nous enseigner toutes choses. Continue de nous instruire dans tes voies. C'est au nom de ton Fils Jésus-Christ que nous avons prié. Amen. Amen. Nous venons de voir la mission du Saint-Esprit. La première mission, c'est la mission des convictions. Il convainc du péché, de la justice et du jugement. Nous allons prier. Si tu as un ami, tu as un parent, quelqu'un vraiment qui ne connaît pas encore Christ, tu vas prier pour que le Saint-Esprit le convainc. Tu as peut-être un membre de famille qui est dans une secte. Il pense que là où il est dans la vérité. Souvent, les gens qui sont dans les sectes sont aveuglés. Prie le Seigneur pour qu'il soit convaincu par l'œuvre du Saint-Esprit, qui est vraiment là où il va là. Ce n'est pas une bonne place. Peut-être qu'il est sous les liens. Oh, peut-être qu'il y a, tu as ta fille qui veut se marier, ton garçon qui veut se marier. Ce n'est pas un bon mariage. Oh, prie le Seigneur pour que le Saint-Esprit le convainc du péché, de la justice, du jugement. Au nom de Jésus, prions le Seigneur. Te remercier ce matin pour ta parole. Merci pour le rôle du Saint-Esprit dans la vie des hommes. Il convainc de péché. Il nous convainc de toute situation. Nous voulons te bénir, Saint-Esprit. Nous voulons te magnifier. Nous voulons te glorifier. Mais nous voulons ce matin t'apporter nos amis, notre mari, notre femme, nos enfants, tous ceux qui nous coûtent cher. Et nous constatons qu'ils vont dans une communauté où la Bible n'est pas enseignée, où la parole de Dieu n'est pas prêchée, où Christ n'est pas reconnu comme fils de Dieu, envoyé de Dieu qui est venu sauver l'humanité par sa mort sur la croix. Nous voulons prier ce matin pour leur vie, afin que Saint-Esprit, par ton pouvoir, tu convainc ces hommes, tu convainc ces personnes de toute déviation, Seigneur, pour qu'ils reviennent à Dieu. Nous t'en supplions, nous te demandons d'agir maintenant dans le cœur, dans les pensées, les désirs, les projets de ces hommes-là. Ils croient servir Dieu, mais ils servent le diable, ils sont au service du diable, ils sont esclaves du diable. Nous voulons qu'ils soient libérés, qu'ils soient affranchis. Au nom de Jésus de Nazareth, que ta puissance agisse dans leur vie, afin qu'ils soient convaincus de leur erreur et qu'ils reviennent à Dieu. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Nous venons de voir que Le Saint-Esprit est là pour nous conduire dans toute la vérité et pour glorifier Jésus. Nous allons prier le Seigneur pour que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité, qu'il nous aide à comprendre la parole de Dieu qui est la vérité. Nous allons prier pour que le Saint-Esprit nous aide à glorifier Jésus dans tout ce que nous faisons. Même quand Dieu nous bénit, que nous puissions lui rendre la gloire. Même quand Dieu nous utilise dans le ministère, que nous ne puissions pas nous enorgueillir, mais que nous puissions glorifier Jésus. Prions le Seigneur. Père Céleste, ce matin, nous te bénissons et nous te glorifions. Jésus-Christ, vers la fin de ton ministère terrestre, tu as dit que tu ne nous laisserais point orphelins et que tu nous enverrais le paraclet, le consolateur. Tu nous enverrais l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, pour nous conduire dans toute la vérité. Et aujourd'hui, nous en avons besoin dans notre vie, dans notre ministère, dans nos églises, dans nos communautés. Nous avons besoin de la direction divine. Nous avons besoin de l'onction du Saint-Esprit. Nous avons besoin du pouvoir du Saint-Esprit. Nous avons besoin, oui, de l'Esprit de Dieu pour nous révéler les mystères de la parole, pour nous instruire, pour nous guider, pour nous orienter, pour mettre la parole de Dieu dans notre bouche en tant que serviteur, pour enseigner fidèlement cette parole, afin que cette parole en enseignant touche, convainc les cœurs de péché, de jugement et de justice, appelle des âmes à la conversion, et que le pouvoir, et que le fruit du Saint-Esprit, et que les dons du Saint-Esprit se manifestent dans la vie du peuple de Dieu, et que des âmes soient libérées, des âmes soient guéries, des âmes soient soulagés, des envois, leur sujet être accompli, être exaucé. Père, baptise quelqu'un du feu de l'Esprit de Dieu, que le feu du Saint-Esprit descende pour consumer les œuvres du diable. Merci Saint-Esprit pour la manifestation de ta gloire dans notre vie aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. C'était OSB. Nous espérons vous retrouver demain à la même chaîne et à la même heure. Au revoir. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant. À nous la force, la joie du Seigneur. À nous la puissance, par son bras puissant.